l'heure d'affronter la réalité. Tu revis tes conquêtes, tes cuisants échecs réinterprétés. Imaginez, il te suffit de rêver pour avoir sans sourciller tout ce que tu rêvais à ta portée. Mais trop rêver, plus apprécier ce que la vie nous offre. En vérité, mais la vie, au lieu de la rêver. Sans grand succès, au fond tu t'es réfugié dans une prison dorée. Et tu es emprisonné, tu as choisi la solution de facilité. Mais tu t'es trompé, mais à trop rêver.